7A. Vous partez en voyage? Vous avez besoin d'un appareil photo performant, léger et facile d'utilisation? Le Cool Lens Ultra Brice X300 est l'appareil qu'il vous faut pour rapporter des images de toutes vos aventures, quelles que soient les conditions climatiques que vous rencontrerez. Appelez-nous dès maintenant au 08 45 76 90 62 ou consultez notre site internet www.achatenligne.nrp pour commander votre appareil en bénéficiant du tarif préférentiel de 99 euros. Si vous nous contactez dans les 10 minutes, gagnez en plus un étui en cuir spécialement conçu pour votre appareil. Et n'oubliez pas, avec Achat en ligne, c'est toujours satisfait ou remboursé.